d'autres filles attirent mon regard. Des filles qui parfois te ressemblent. Souvent je les vois dans le noir. Quand nous faisons l'amour ensemble, toi qui t'enflammes quand bon te semble, tu m'as donné trop de plaisir. On a trop fait l'amour ensemble, et je ne sais plus te mentir. Le bateau de nos rêves a fait mille voyages, mais les vagues un beau jour sans pitié l'ont jeté au rivage. Parfois le désir nous rassemble, on oublie pour un court instant qu'on a trop fait l'amour ensemble pour faire l'amour tout simplement. Ta peau se dresse sous mes doigts, mais à la façon dont tu trembles, je sais que tu sais comme moi qu'on a trop fait l'amour ensemble. Je t'aime autant, il me semble, mais j'ai envie de toi moins souvent. On a trop fait l'amour ensemble, et rien n'est plus comme avant. Mais tant pis pour notre avenir, nous ferons ce que bon nous semble. Moi, je ne sais plus te mentir, nous ne vieillirons pas ensemble. On a trop fait l'amour ensemble. On a trop fait l'amour ensemble.